dans la tête, salut qui ne marijuana. Mon tunique qui m'esquive la douane. La pure de Tijuana. Qu'est-ce que tu ferais pour du Gabbana? Pour la famille, je veux les 100 millions. Tu pètes un verre de ton Pérignon. Si c'est des milliers, moi je serais sans pitié. J'ai les nerfs à vif, moi t'en reste mignon. À fond sur l'allée, ouais, j'lève le Yamaha. Sans pour qu'à parler, vous les croix, qu'est-ce marrant. Allez, je vais pas plus au démarrage. Calé, j'ai fini à deux barres. Et s'ils veulent la guerre, t'inquiète pas, on est là. On fait déjà la paire, ça suffit pour les lâches. C'est pas ma mère qui va pleurer des larmes. Et on sait qui sont les hommes. Ça suffit pour les lâches. Et on sait qui sont les hommes. Voilà pour fonder, pour te représenter. Tous les quartiers, t'as tous les dentés. Comme enchanté, ça peut plus pointer. Voilà pour fonder, pour te représenter. Tous les quartiers, t'as tous les dentés. Comme enchanté, ça peut plus pointer. J'ai commencé en bas comme toi. Avant de dormir, les problèmes résonnent comme toi. Faut des petits faire comme moi. Je leur dis inspire-toi, s'il y a du bien, mon vrai fait comme toi. Ça coche remplie de détails, fais tout partir et tu tailles. T'auras pas de médaille, de toute façon ça veut pas le succès. En bas ça veut des balles, tu sais, sortir l'escucette. En bas ça veut des balles, tu sais, sortir l'escucette. Et y'a rien à faire, j'suis en bas, cher deux, trois affaires. Bébé t'as pas à t'enfermer, si trouve la cachette, j'pars pour cet enfer. Des fois j'parle tout seul, cherche réponse à mes questions. Des fois j'parle tout seul, cherche réponse à mes questions. Voilà pour fonder, on vient représenter tous les quartiers. T'as tous les tentés, t'as mon chanté, ça peut plus tenter.